FM assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Ah, سيغ بي نغا ديف واي واخنا مام سن ньо دي ليار نحن كذلك دي لا بيغي جوري جوف الحمد لله. voilà donc man première ki billahi wax attaque wala attentat au Charlie Hebdo. Bon lima ci xalat c'est simple, c'est vrai ay nit de ay nit lañu wa comme ñepp ay journaliste lañ ñi def sen liguey. Maintenant, nous savons aussi, on ne peut pas aussi se moquer d'une civilisation au nom de la liberté. Sincèrement, quoi. Parce que nous sommes dans ce monde où les islamistes sont des papes ou des dignitaires religieux qui sont des musulmans. Nous sommes dans le monde où les musulmans sont des religions. L'unité de Ramnan Kouboubar, ils savent bien ce que représente le prophète, ou la yenne signification en islam. Quand on touche à ses sensibilités, il faut nous ramener. Là, ils se moquent d'une civilisation. Une civilisation, de fait, leur mythe, l'humou gumle, l'unko yerel, l'unko nandal, l'humou hamle, l'humou yuyoule. En quelque sorte, c'est sa dignité. Ni mané man nga fekk ma sama kër sama wajur bima jur nga kay top islam fofu la tollu ci nit ñi. Et de l'autre côté, mais combien de palestiniens, de jeunes, de d'enfants innocents chaque jour qui tombent sous les bombes d'Israël ay xalé yi ndaw di dé tal que le nombre wam tay 12 personnes ñoo dé ay nit lañu gaa. On peut dire qu'on dit que voilà c'est honteux, c'est l'islam, c'est barbare. Mais kuy sétane télé di nga xamni xalé yi dé ci Palestine, mais seigneur nekul ci li xew. Et pourtant ci France ñoy tok di sétane Israël di bombarder dëkk yoy ay xalé yi ndaw di dé. Et pourtant ñoon du yoru ñu arme, yoru ñu dara, ñi bombarder ay kër. Donc c'est des civils qui tombent chaque jour en Palestine et la France ne dit rien. Buñu rafet lu mukk dé, buñ ko rafet lu mukk suñu diiné mayuñu ko. Mais de l'autre côté aussi, nous avons l'agression que nous avons, ça se fait au quotidien. Et que ces puissances-là, nous avons cautionné. Nous avons la France, nous avons les États-Unis. Si nous avons en Afrique, combien de guerres civiles ont fait ces puissances-là, nous avons financé ou nous avons s'étendre. Dès maintenant, lol. Mais encore une fois, au nom de la liberté, nous avons mis un journaliste qui a agressé ou qui a mis un peu de la civilisation. Lol lañu gëm islam musuma gis islamiste buy togn benen religion. Donc tay au nom de la liberté xawma lan ak lan bu kenn togn parce que le monde fofu la tollu. Ces français là ils ne sont pas plus civilisés que nous, ces français ne sont pas plus civilisés que les arabes entre autres. Ah amul kenn ku gëm kenn, ñepp yam au même pied d'égalité. Nous ko journalistes yépp xam bokk lañu ga, mais li xew aussi Charlie Hebdo on connaît bien ce qu'ils font, mais nañ ñi wax ak ñom. C'est pas normal. Nous sommes tous respectés, mais nous sommes tous respectés. Nous sommes tous les gens qui imaginent que nous sommes tous les gens qui sont. Donc nous sommes tous les gens qui sont en Palestine. Nous sommes tous les gens. Nous ne les compte pas par des dizaines, on les compte par des milliers. Merci beaucoup. Oui, merci.